Bonsoir, fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue dans son journal dont voici tout d'abord la charpente. Le secrétaire général du parti au pouvoir accuse Agathon Rwasa, leader de la coalition Amizero ya Barundi, d'être à la solde des étrangers. Lors d'un café de presse qu'il a animé au début de la semaine en cours, Evariste Ndayishimiye dit avoir été étonné par le comportement de cet opposant lors de la récente session de dialogue à Arusha en évoquant la question relative aux minerais. Quant à Agathon Rwasa, numéro 2 de la Chambre basse du Parlement et président de la coalition Amizero ya Barundi, il hausse le ton, il exige plutôt la transparence dans l'exploitation des minerais, vous l'entendrez dans ce journal. L'office du thé burundais, OTB en sigle, se dit être satisfait de la qualité du thé burundais. Le directeur général de cet office indique que la production du thé vert a déjà commencé à Lumonge. On parle de sa 50e mariage régularisé en commune Burambi ce vendredi. Les frais qui constituaient une barrière aux couples conjugaux de Batkwa ont été abandonnés par la commune. Nous appellerons Jean-Pierre Misago. Les détails, ce sera dans son journal qui vous sera présenté par Linibel Nibigira. Eric Ouimana se trouve à la mise en onde. Bonsoir et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir. Je vous le disais tout à l'heure, le secrétaire général du parti CNDD-FDD accuse le leader de la coalition Amizero ya Barundi d'être utilisé par quelqu'un qui se cache derrière lui. Evariste Ndayishimiye trouve anormal qu'Agathon Rwasa ait amené à Arusha lors de la dernière session des questions en rapport avec la question des minerais. Le numéro 1 du parti au pouvoir appelle les politiciens burundais à toujours penser à la souveraineté du peuple burundais. C'était dans un café de presse qu'il a animé en début de cette semaine. Suivez-le. Je me suis posé la question. Comment se peut-il que certains leaders politiques apportent la question de code minier sur la table de dialogue à Arusha? Est-ce que vraiment, ça c'est logique qu'on va à Arusha pour réviser le code minier du Burundi alors qu'il y a l'Assemblée nationale et le Sénat qui est là, malheureusement? J'ai trouvé l'honorable Rwasa qui était le leader de tout cela, qui est membre du Parlement, vice-président de l'Assemblée nationale, premier vice-président, qui va amener à la table de dialogue à Arusha le code minier, alors que lui-même a droit de proposer l'amendement de son code à l'Assemblée nationale. Ce qui montre que finalement, l'honorable Rwasa n'est pas lui. Il est né qu'un représentant de quelqu'un qui se cache. En tout cas, il doit y avoir un kingmaker chez lui qui le commande. Et lui, on ne voit que la personne, mais réellement, le faux, ce n'est pas lui. Si c'était lui, en tant que député, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, il ne pouvait pas amener le code minier pour être négocié à Arusha. Alors là, j'en profite pour faire un clin d'œil à certains politiciens burundais, qu'ils se ressaisissent, qu'ils sachent qu'ils sont citoyens burundais, souverains. Le peuple burundais est souverain, mais ces gens-là ne vont pas réussir. Agathon Rwasa, leader de la coalition Amizero ya Barundi, n'a pas tardé à réagir. Le président de la coalition Amizero ya Barundi estime que les minerais sont la chose publique. Agathon Rwasa clarifie que la révision du code minier a été proposée à Arusha par le groupe de l'opposition et appelle plutôt le pouvoir à être transparent dans la gestion des minerais, ce qui pourrait, selon lui, diminuer la charge fiscale de la population. On écoute. Quand Arusha, dans notre groupe de l'opposition, on est proposé qu'il y ait révision du code minier et des contrats que nous pensons seraient illicites. On nous étiquette directement de travailler pour le sort des colons. Et là, malheureusement, ça cache ce que ça cache. Parce que dans les années 70, on a vu comment les gens ont été taxés d'être impérialistes, d'avoir été achetés par l'étranger et combien de gens ont péri sous le coup des fanatiques du pouvoir alors qu'ils étaient des innocents. Maintenant, les minerais burundais, c'est la chose vraiment publique par excellence. Et je pense que si au moins on pouvait être transparent, surtout qu'on a signé l'initiative de la transparence de l'industrie extractive, ce n'est pas vraiment quelque chose de surprenant si on demande justement qu'on sache ce que va rapporter les minerais. Parce que si les minerais sont exploités pour l'intérêt de tous les Burundais, au moins on verrait que la charge fiscale, par exemple, devrait diminuer. ipso facto. On verrait que la pression que l'on fait sur la population en termes d'impôts ou de taxes devrait quand même, à défaut de diminuer, au moins se stabiliser. Mais voilà que les taxes, ça s'augmente du jour au lendemain. Donc, ceci pour vous dire que, sincèrement, il y a des hics. Et si ça a beaucoup énervé le secrétaire général du CNDD-FDD, ça ne m'étonne pas beaucoup. Ça me montre plutôt que là, réellement, il y a anguille sous roche. Parce que dans un document de 18 pages, je ne crois pas que ce soit la seule proposition qui n'a d'ailleurs rien à voir avec ces soi-disant colons. Parce que nous proposons la révision du code des miniers et des contrats jugés illicites, on ne fait aucune référence à quelqu'un d'autre. Et c'était à nous-mêmes, les Burundais, de discuter de ça. Et malheureusement, on n'a pas eu de plénière pour discuter des propositions des uns et des autres. Et de surcroît, c'est un groupe qui a travaillé à 17. J'ai du mal à comprendre pourquoi Général Évariste disent que c'est Wasa Agathon qui a dit ça. Page politique, mais en bref, certaines allégations formulées contre l'administrateur communal de Mutimbuzi, Damien Barindambi, sont des rumeurs. Cela est dit par le président du conseil communal de cette commune à l'issue d'une réunion extraordinaire de son conseil de vendredi. Jean-Baptiste Niyonzima ne nie pas pourtant qu'il y a des accusations que la commission mise en place n'a pas analysées à fond. Ce responsable communal indique que les conseillers communaux sont satisfaits après le climat de méfiance qui régnait dans cette commune. Ces accusations contre l'administrateur communal de Mutimbuzi sont principalement la mauvaise gestion foncière à Kigalamango et Maranvia et l'enrichissement illicite. Page agriculture à présent, le Burundi produit actuellement le thé vert. Cela a été dit par le directeur général de l'OTB lors de la clôture de la semaine du thé et de l'inauguration du bâtiment abritant la salle de dégustation moderne, salle d'archives et cantine du personnel. Jacques Bigirman ajoute que le thé vert est actuellement sur le marché et qu'il a des bienfaits sur la santé humaine. Suivez Jacques Bigirman. Nous venons de clôturer la semaine dédiée à la thé culture au Burundi. Ça a été aussi une occasion de commencer à produire thé vert. Donc, la semaine thé, chaque année, est célébrée par l'OTB et doit impérativement être marquée par des réalisations. Et là, ici, nous avons cité déjà ce thé vert qui est mis en place cette année. Et puis, nous avons montré le nouveau bâtiment qui va abriter le cafétéria, l'archivage, la salle de dégustation. Ce sont des réalisations qu'on a faites cette année. Le thé vert, c'est un produit thérapeutique. C'est un produit qui est utile à la santé. Le thé vert est un produit qui est très utile et en prévention de certaines maladies incurables, des maladies chroniques. Et si je vous cite, par exemple, ça prévient le cancer, ça prévient le diabète, les maladies des nerfs, l'hypertension artérielle, ça allégure la tension. Les premières productions de ce thé vert sera vendue ici au Burundi. Avant d'aller le vendre à l'étranger, nous allons d'abord satisfaire les besoins des Burundais. Et après, quand les Burundais se seront servis en suffisance, on va voir ce qu'on va faire avec le marché étranger. Jacques Bigirman, il est directeur général de l'OTB. Toujours pas d'agriculture. Toutes les collines de la zone Bouvziouko dans la commune et province Bubanza sont déjà attaquées par les chenilles défoliantes qui ravagent le haricot. Les cultivateurs se disent désespérés et déplorent que tous les produits phytosanitaires utilisés ne changent rien à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage. On conseille aux cultivateurs d'appliquer dans leurs champs des produits recommandés par les moniteurs agricoles de Bubanza, Spescaritas Kawanyan. Les cultivateurs de la zone de Bubuko dans la commune de Bubanza indiquent que cette chenille dite chenille défoliante s'attaque aux feuilles et aux fleurs du haricot. Ils précisent qu'ils ont essayé beaucoup de produits phytosanitaires, mais sans succès. La plupart de ces cultivateurs appliquent dans les champs de haricots de l'acide, mais sans succès. Il y en a aussi qui ont commencé à appliquer le poison des rats, appelé communément somuyapanya, mélangé avec de l'eau et de l'acide, et sans résultat positif. Les populations de la zone de Bubuko demandent à l'État de chercher des experts qui puissent mener des recherches pour savoir pourquoi toutes les cultures sont attaquées par des maladies. Ici, on parle de haricots attaqués par la chenille défoliante, le maïs avec la chenille légionnaire, la mosaïque, c'est le manioc et beaucoup d'autres. Les cultivateurs demandent également une assistance en produits phytosanitaires puisqu'ils sont chers sur les marchés. À la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage, on explique qu'on devrait appliquer les produits appelés spermétrine, deltamétrine ou diluant stéogène Nionzima chargé de la protection des végétaux à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Mouvanza. Ajoute que les cultivateurs devraient suivre les conseils des moniteurs agricoles. Spescaritas Kawanyana, Mouvanza, Radio Isanganiro. Merci Spescaritas Kawanyana. Rendons-nous à Rumonge cette fois-ci pour parler de la société. Régularisation de 151 mariages, dont 91 débattoirs, ce vendredi en commune Burambi de la province Rumonge. La commune a dû abandonner les frais d'inscription et de retrait d'actes de mariage au battoir, des frais qui constituaient un obstacle, selon leur dire. Jean-Pierre Misako. Nimona Désiré et Moutoua, qui comptent parmi les ménages en union libre qui régularisaient leur mariage ce vendredi à Murago, témoigne qu'il n'a pas été en mesure de se procurer les 5000 francs burundais exigés comme frais d'inscription à la régularisation de mariage. Il a fallu que la commune Burambi cède à ses battois les frais d'inscription, mais aussi les 1500 francs burundais représentant les frais d'obtention de l'extrait d'acte de mariage pour voir les battois affluer pour légaliser les réunions, selon Rémi Sabimana, conseiller technique chargé des affaires administratives et sociales à la commune Burambi. De son côté, Augustin Sabiyumva, représentant légal de l'Association pour le développement des personnes vulnérables, ADEP en sigle, qui a sensibilisé la communauté batois à régulariser leur mariage, voudrait une période supplémentaire pour que tous les ménages batois en union libre puissent rentrer dans la légalité. Je voudrais que le président de la République du Burundi prolonge le délai de grâce pour puisse sensibiliser la totalité de nos compatriotes de la communauté batois. Tout en promettant des sanctions sévères à tout élu collinaire qui se sera rendu coupable d'avoir contribué dans la dislocation d'un ménage légal, Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, indique qu'il soumettra à ses supérieurs cette question de délai supplémentaire spécialement à la communauté batois. 751 ménages de ce vendredi s'ajoutent à 380 autres qui avaient déjà régularisé leur mariage et Rémi Sabimana espère que tous les ménages de la commune Burambi seront en ordre avec la fin de cette année. Jean-Pierre Misago depuis Murago en commune Burambi. Radio Isanganiro. Jean-Pierre Misago ajoute que la province de Rumonge est en train de mettre en place une stratégie d'assister les Burundais qui rentrent de l'exil par la population elle-même. Il s'agit d'un programme appelé Solidarité locale selon le gouverneur de cette province. Juvenal Wigirimana, gouverneur de la province de Rumonge, appelle néanmoins aux Burundais qui rentrent de l'exil de s'atteler aux travaux champêtres car sa province est encore fertile. Dernier élément de ce journal, certains commerçants du marché urbain dit côté bourse se plaignent des clients qui viennent à compte-gouttes. Ils s'étonnent du manque de mouvement dans ce marché alors que les fêtes de Noël et du Nouvel An approchent. Écoutez ces commerçants qui se sont exprimés au micro-baladeur de la radio Isanganiro. Nous vendons des palmes, mais nous ne voyons pas le profit. Les clients nous donnent 11 000 francs, alors que nous les avons achetés à 11 000 francs. Parfois, nous acceptons de les donner à 11 500 francs. Les clients achètent nos palmes à contre-cœur en disant que le prix est exorbitant. Ils se préparent quand même. On le considère à travers les ustensiles qu'ils achètent, même le mouvement. Il y a un afflux. Afflux, c'est comme si on dirait... Si nous considérons cette année et l'année passée, vraiment, il y a un espoir. Eh bien voilà, nous arrivons à bon port. C'est par ici que nous allons mettre un point final à ce journal. Je dis merci à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration. Merci également à vous qui étiez à l'écoute. Nous disons encore une fois félicitations à Evrard Abdalimane et Benigne Nionzima qui se sont dit oui pour la vie. Tout de suite, ce sera la revue de la presse. presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. L'hebdomadaire Iwachu revient sur les réactions des uns et des autres par rapport au référendum constitutionnel. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD au pouvoir tente de rassurer. Alors que les opposants politiques et quelques activistes des droits humains montaient au créneau, Evariste Ndayishimiye, lui, estime qu'il n'y a pas une raison d'être tendu en disant qu'il n'y aura pas de démocratie dans ce processus. Il exhorte les Burundais en général et les hommes politiques en particulier de suivre cette campagne et de donner des suggestions sur ce qui peut être changé dans ce projet de constitution. Au sein de la plateforme de l'opposition Sénared, le porte-parole Pancras Chimaye, repris par notre confrère, s'interroge. Comment pouvez-vous imaginer qu'il y a quelqu'un qui peut faire campagne pour dire non? C'est se moquer des gens, dit-il. Il s'interroge encore comment on peut battre campagne alors que les opposants sont soit en exil, soit en prison pour leurs opinions. Quant au président du parti Frode Bunyakuli, Kefani Bizi, toujours à travers Iwachu, il trouve que ce projet de loi répond aux aspirations de la population. Il reconnaît que le président de la République a les pleins pouvoirs de proposer des amendements. Nous aussi, nous n'avons pas été consultés, mais nous n'avons pas de base légale pour protester, renchérit Kefa. Iwachu mentionne que le président de la République a mis en garde quiconque tentera de faire une contre-propagande contre le projet de constitution. Peu de filles s'orientent vers les filières scientifiques. Le constat se dégage, selon le magazine Burundi Echo, d'une étude qui a été parrainée par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en partenariat avec la Maison de l'UNESCO pour la culture de la paix au Burundi. Les conclusions de cette étude, qui couvre la période de 2009 à 2017, montrent que les filles préfèrent les sciences de la vie et de la santé. Par contre, elles sont très peu nombreuses à s'orienter vers les filières des sciences fondamentales. Le magazine explique les raisons de cette réticence des filles à se faire inscrire dans les filières scientifiques. D'abord, l'accès des filles à l'enseignement reste limité en général à cause des stéréotypes culturels. Beaucoup de Burundais ont encore en tête les idées archaïques selon lesquelles la fille n'a pas besoin de faire des études. On entend encore ici et là des propos sidérants, comme quoi le diplôme de la fille c'est son mari. D'autres pensent que les filles sont moins fortes dans les sciences que les garçons. Revue de la presse. L'agence Netpresse parle de grogne chez les commerçants et les populations de la capitale. À la veille des fêtes de fin d'année, notamment la nativité, les citadins d'habitude se bousculent dans les routes et dans des magasins, pourquoi pas aux divers marchés de la capitale, pour acheter qui une chemise, qui un pantalon pour son fiston, qui un pagne neuf pour son épouse, afin de mieux agrémenter ses fêtes. Le constat est tout autre actuellement, selon l'agence en ligne. Il n'y a pas d'ambiance de fête, probablement suite au pouvoir d'achat des populations qui s'est nettement effrité ces derniers temps. Le gros des populations pense à un repas au quotidien et il devient hors de question qu'on leur dise des fêtes de fin d'année. La plupart des personnes rencontrées trouvent qu'il n'est plus nécessaire de conseiller aux gens de consommer responsable car les conditions même de vie actuelles l'imposent à chacun des habitants de la capitale. La communauté de blogueurs Yaga écrit sur ce qu'elle appelle la religiosité au Burundi. Elle parlait d'enfer religieux, social et politique. Yaga qui remarque que toutes les églises du Burundi ont beaucoup de fidèles aujourd'hui. Entre religiosité, qui est qualifiée selon le billet d'excès de sentiments religieux, la manipulation, l'acte de désespoir et vraie foi, le contributeur tente une explication du phénomène. Il écrit que si les commandements de Dieu ne concernaient que le peuple juif au début, les autres peuples, notamment les Burundais, se les ont appropriés par la suite. Seulement, le blogueur constate qu'il ne les respectait pas. En effet, tu ne tueras pas ton prochain, tu ne voleras pas, tu ne forniqueras pas, ne sont plus considérés par la plupart des gens comme des péchés. Yaga, c'est par ailleurs, se référant à la Bible, que ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui iront au ciel. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse qui vous a été présentée par Francine Ndokubgayo et Léonce Bitaliho. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Bonne fête de Noël pour les chrétiens. À la prochaine. Revue de la presse.